ben, l'idée de cette émission, c'est un entretien de Grenoble à Saint-Nazaire. C'est la première fois que l'entretien de Grenoble est déporté. Donc, c'est un entretien de Saint-Nazaire. C'est une étape importante parce que il y a plusieurs choses qui s'entremêlent, qui se résolvent, qui rebouclent. Alors la première chose, c'est que le premier entretien de Grenoble a été fait avec toi, Romaric. Ah ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps, à Grenoble, ouais. En 2011. Ouais, voilà. Quand même. En plus, donc il y a cette cassette de Sobach Murer qui est sortie, qu'on écoute derrière, dont on parlera un peu plus après. Mm-hmm. Donc c'est un entretien de Grenoble qui est à Saint-Nazaire, donc c'est pas un entretien de Grenoble, c'est un entretien de Saint-Nazaire, mais quand même tout émane de Grenoble. Délocalisé, on dit ça. Ça, c'est délocalisé. À noter autre chose, c'est que tu portes un t-shirt Olentangy Seniors, que tu un vieux t-shirt acheté au Goodwill de Columbus, il me semble. Oh, bah, probablement. Une des années pendant lesquelles donc tu as envoyé cette cassette, qui est à l'origine de cette cassette. Qui sort, qu'on écoute derrière. Voilà, tout ça, c'est un entremêlement, un entassement de faits et de temps. Voilà, qui atteint son point culminant pour cette émission. Et nous sommes accompagnés de Romain. Voilà. Qui habite à Saint-Nazaire. J'habite à Saint-Nazaire. C'est déjà allé à Grenoble? Non. Je viens de Rouen. Je viens de Rouen, de Grenoble. Si vous ne parlez pas assez fort, on ne vous entendra pas, mais. C'est pas très important, d'accord. Pour retranscrire. Là, on présente, alors, c'est pour ça. Donc. J'ai une cassette aussi. Voilà, qui a une cassette. Donc, il y a cet entassement, et ensuite, il y a quelque chose d'autre. Donc, voilà. Mais avec le lien de la cassette. Ouais, tout pour la cassette. Tout pour la cassette. Merci à tout le monde de participer, d'écouter. On va essayer de. Si vous avez des questions à poser, posez sur le chat. Voilà, bon, on va écouter un peu la cassette. Et puis. C'est la Saint-Valéry. Bonne fête à toutes les Valéries. Et c'est aussi. On le dira après. On le dira peut-être même pas. Ouais. S'il est sur le chat, mais j'ai pas pu répondre à ton appel téléphonique car j'étais occupé, donc désolé mon petit gars. La DS, ça peut être la DS. DS, ça peut être Tania Schultz. Ah ouais. Donna Summer est morte. Ouais. Didier Super. Ah ouais, Didier Six. C'est tout, hein. Bah, écoute aussi un musicien qui s'appelait Dino Saludi. Ah oui. Donald Sutherland. Si, l'acteur. Ah ouais, ben, ouais. Je connais pas trop. Dans Look Back. T'as jamais vu ce film ? C'est passé à Venise. C'est son duo avec Julio Iglesias, mais Julio, mais c'est pas vrai. Bien que je sois très content d'avoir ce 45 tours en double, je crois. Mais je sais pas, bah, ils chantent toujours un peu pareil, Willie Nelson, donc ils sont tous, quand t'aimes bien sa voix, je crois que tout est bon, quoi. Ouais. Mais la prod, peut-être que la production. Mais il y a les albums avec Waylon Jennings qui sont vraiment plus country que tout le reste. Que pop. Et puis il y a l'album des Outlaws avec Johnny Cash et Kris Kristofferson qui est chouette. Voilà. Question suivante. Ouais, quel est ton Traveling Wilburys préféré ? Question de Ian Drake. C'est trop difficile. C'est un groupe incroyable, on peut pas dire. On peut pas dire qui y a dedans. On peut. Après, on devient dingue quand on commence à dire qui y a dedans. On peut juste dire que le dernier qui est vivant, je crois que c'est Jeff Lynne, si je dis pas de conneries, mais... ILO. Tous les autres sont morts. Morts et décédés, donc. À moins que Bob Dylan... Non, je crois pas qu'il joue. Il était pas dedans. À mon grand regret. Comment c'est possible? Alors... Cette cassette, on en parle un peu, parce que là, il est 19h10. Oula, déjà. Ouais. Alors, je les ai dit, Bob Dylan n'est pas tout à fait mort. Ok. Pour décrire cette cassette, on va lire le texte sert d'insert texte à cette cassette. Je vais lire ton texte en premier. Ah bah si tu veux, ouais. Je vais aller faire un tour à la cuisine, je reviens. Ouais. Alors, partie 1. En 2009, j'avais quitté la porte des Lilas. C'était la fin des pré-Saint-Gervais-Years, saison 1. J'étais à Nantes en perdition. Mon ami Murer était aux USA en train de devenir un artiste scientiste. Je tentais d'entraver sa destinée en lui envoyant des courriers postaux et une flopée de courriels ineptes, environ une vingtaine par jour. Ce qui m'occupait pas mal de temps, d'ailleurs. C'était bien. Aucun souvenir d'avoir fabriqué cette cassette, donc la cassette sur laquelle est basée la cassette qu'on écoute. Mais c'était il y a si longtemps. Je me rappelle de ma petite auto grise avec son autoradio cassette, donc, et une des Pastels, une autre de Squeeze et de War Room, Joe notamment. Je coupe parce que... Bon. Imaginez un peu un autoradio cassette en état de marche. Certaines ne peuvent même pas l'imaginer. J'ai par la suite acquis une montagne de cassettes ou plusieurs monticules cassettatoires qui me suivent et dont j'espère emmener quelques-unes dans mon cercueil. Je pense notamment à Warehouse, Songs and Stories du Scurdu, ou celle de Popol Gluant, ainsi que Zagram. Partie 2. En 2021, on sort, entre guillemets, toujours des cassettes. Je fais toujours des tas, donc ça se fait référence au texte d'avant, mais bon, tant pis, c'est un petit... comprendra après. Je n'ai toujours pas de label, mais je vends les disques de ceux qui ont un label. La vie est belle, je suis toujours en perdition et c'est plutôt agréable, j'ai changé de vie. Je ne relirai jamais matière et mémoire, ni 1000 plateaux. Ah non, ça non. Demain, donc j'ai ajouté 16 mars 2021, je répète avec un artiste anglo-nantais à moustache. La dernière fois, je lui ai joué des cassettes, et notamment celles que Murer m'avait envoyées de Columbus, Ohio, le 1er mars 2009. Alles in Ordnung. Voilà. Bon, je lirai l'autre partie après. Donc là, c'est toi qu'on entend parler, parce que c'est toi qui t'as enregistré sur la cassette que tu m'avais envoyée initialement. Tu parles de la boulangère, la clé Saint-Gervais. Philippe n'est toujours pas arrivé. Alles in Ordnung. Il fait jour. Il fait grand jour. Il a centaine de chansons. C'est un peu une tradition de la country. Ouais. C'est bien, ça crée des, des petites coupures. Moi, le boîtier de cette cassette, il est quelque part. Ouais. Yes. De streamer, ça va trop couper. Ça va pas comprendre. C'est la fin du mois. Pas payer, en même temps, c'est léger. Hein, c'est 192. Par chemin en bas. Ouais. Il sonne ou quoi ce coup? C'est pas réussi. Ah ouais, ah oui, c'est bon. Alors. Ah mais non, ah ouais, c'est bon, ça a repris le stream. Pas de 44 en plus, ben je vais le garder. Ouais, alors, on remet la cassette. Donc, cette cassette. cassette, t'as compris toi comment elle a été faite? Pas sûr d'avoir compris, faudrait que tu me réexpliques. Alors en fait, c'est une accumulation de pistes sonores. Ouais. Donc, j'ai pris des cassettes que j'ai numérisées sur mon ordi. D'accord. Ouais. Donc, les cassettes de punk, les trucs de Noël, les trucs de country un peu. Mm-hmm. Voilà. Et donc, au-dessus, donc, pour créer une sorte de magma diffus. On ne pourrait pas vraiment reconnaître son origine. Mmh. Et par-dessus, donc, la piste de cette cassette que tu m'as envoyée. Sur laquelle qui vient d'une cassette sur laquelle tu as enregistré ta voix. Sur laquelle tu as enregistré les émissions de radio, de jazz. Mmh. Sur laquelle tu avais enregistré ta voix. Tu vois ? Impressionnant. Donc la face A c'est plus blues un peu, toi, parce qu'on peut se commencer. Ouais, il y a un invité. Ouais. C'est vraiment toi qui as fait le collage. C'est pas le collage, il n'y a aucun collage, c'est vraiment une accumulation. Okay. La face B c'est un peu plus noise, un peu plus dur, parce qu'il y a une piste de synthé en plus, comme on l'écoutera tout à l'heure. Voilà, désolé pour le petit. Il y a des problèmes de connexion à cause de la mer, je pense. Et donc il y a Philippe qui va arriver. Yendrek, tu demandes toujours plus. Non, il n'y a plus de bière. Ah, salut. J'ai des bières, mais j'en ai trois. Ah, t'as des bières polonaises? Non, j'ai de la bière bretonne. Moi aussi, mais j'ai des bières de glace. Ça, c'est l'Insta, là. C'est de la grosse Insta, là. Ah, merci. Ouais. Ah, oui, même. C'est pour la boutique, cadeau. Non, mais surtout, c'est... Oui, tiens. Bah non, mais sérieux, pour la boutique, tu es bien à lire. Ou pas. Si t'arrives à les vendre, hein, vas-y, ils sont comme neufs. Hein. C'est de l'année dernière, Je sais pas s'il est sorti, je t'ai fait un check. Bisonard. Alors ça c'était cadeau, hein, bah, du coup, si vous voulez le passer, je l'ai en CD, hein. Je sais pas comment tu fais là pour... C'est que des cassettes. C'est la CD, c'est un peu de cassette. Et bah écoute, hein, parce que tu m'as demandé un peu. Hein. Moi aussi, je suis déjà dans le jeu. Bah écoute, non, ouais, parce que je l'avais en double. Je t'ai refilé celui dont les dents étaient pas pétées. Alors j'ai pas regardé l'état du CD, mais. Ok, tiens, on échange. Merci. Si on a le temps d'écouter, mais ici, donc, tu te couches tôt si j'ai bien compris. D'accord. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est single ou il y a plusieurs? Non, c'est carrément une compil de tout le Ouais, mais je sais pas. Ça me rend un peu. Non, j'ai un peu de noise. C'est cool. C'est un petit goût du shooter des tags. C'est tout ce que j'ai vu. Il y a du vin, trois Noël et une dame. Ça va être vraiment fraîche. Et du coup, moi j'étais à Berlin, et j'ai tout organisé de Berlin à distance. Je suis venu en bus de nuit, genre la veille. Hop là, c'est la fin. Direct, hein. Mais la face c'est B, en direct, ouais. La face B noise. Et comment tu... La face B plus noise, ouais. Ouais. Ben, c'est le micro interne de l'ordi. Et... Mais ça, tu devrais le mettre de l'autre. Et c'est un broadcast. Quelqu'un en veut une? Ouais, c'est vrai. Bah, moi je peux pas boire. Ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? T'as aimé la Moi je bois du vin. Il conduit. Je conduis. Mais il conduit même pas. Et bah non, mais c'est presque comme si je conduisais. Tu la veux? BMW, mais elle est à 7,7, à faut faire gaffe. Tu te laves avec non, sinon je la... Sinon bah, je peux... 80. Mais elle fait pas ça en même, la nuit aussi. T'as encore, t'as encore. Mais elle voudrait faire pareil. Elle est appelée. Ouais. Est-ce qu'elle est assez grande pour atteindre les pédales et tout ça? L'assassinat, c'est vrai. Mais ouais, je voulais te demander un truc, Philippe, mais vas-y, installable. Un truc à la cause. Non. Ah, ça c'est beau, c'est un truc. C'est pas un peu blues. Un peu blues, Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, là, oui. Ouais. Tu choisis le son de la cassette. Oui, d'habitude, j'ai des. Sur la tête, hein. Bah ouais. Non, mais là, c'est bon, ça. C'était à fond. Mais là, à partir de maintenant. Non, non, je viens de te dire qu'avant, la cassette était à fond. Mais si on a qui égalise les bras, apparemment il n'y a que Yann Drake. Ah, il n'a pas le matériel pour ça. Mais chez moi, oui, non, je peux suivre. C'est très bien comme ça. Et puis j'ai ça chez moi. Voilà, je suis Et Nate, bah, demande-lui, il est là. Ah. Ça va comment, Nate? Mais c'est Philippe de Nantes. Après, il y a peut-être un petit décalage. Il y a un petit lag de 15 secondes, je crois. Au moins, il va répondre. Peut-être qu'il est en train de se faire à manger. Non, il dit que c'est son côté Godard. Ouais, mais tu sais, eux, ils sont à l'est de la France, donc là, en fait, eux, il est plutôt... Ah, salut Phil. Il est plus tôt, non? Pour vous, il est plus tard. Ici, il est plus tôt. Il est plus tard. Ici, il est plus tôt. Ouais. C'est pour ça que ça est là dans quel sens? Non, mais vers l'est, tu rajoutes des heures. Plus tard vers l'est. C'est pour ça que le soleil se couche plus tard ici. Ouais, ouais, sûrement. Ouais. Est-ce que tu te fais à manger, Nate? Là, maintenant. Comment des plantes. C'est vrai qu'il fallait réajuster vu que la source est plus proche du micro. Voilà, c'est bon là, je pense. Alors, Nate, tu te fais à manger ou pas? T'as déjà mangé? Ça, c'est une bonne question. Non, c'est ma copine. Je sais pas. Super, bravo. Bah, fais quelque chose quand même. Ouais. Mets la table. Épluche les oignons. Alors. Ça, c'est la phase 2 de la cassette. On a parlé de Dragon 3, mais je trouve ça que ça. C'est la phase B, c'est ça? Ouais. Elle est plus sentimentale, j'ai l'impression. Ah, ben moi, je trouve pas du tout. Ah, bah alors, on n'est pas d'accord. On n'a pas les mêmes impressions. Tu fais des trucs, tu frottes des objets. Ah oui. Et en plus, un peu noise, tu vois. Sans le mec qui est pas sentimental. Ah oui, je frotte des objets. Tu racontes pas ta liste de courses. Comme un James Chaton. Mieux. Moins chiant. Plus blues. Tu les fais voir, lui, avant. Ah ouais. une voiture volée en Florence. C'est quel an? La chérie qui t'a abattu. Pourquoi voler en France? C'est la zone. T'as vraiment à traverser le Comme quoi sur Instagram, il n'y a pas comme la merde. Tout à l'heure, j'ai vu des jeunes qui sont allés voir André Robillard chez lui, dans son repère, côté d'Orléans, là, c'est les Paris, il approche des 90 balais, mais quand tu vois les vidéos, tu fais vraiment. Enfin, je sais pas ça. Est-ce que j'ai pensé à ça, ouais. Bah, c'est parce que. Ah, il y a écrasé une fraise sur son dessin. Ça, c'est Robillard. Ah, bah alors, c'est peut-être le moment de parler du courrier que j'ai reçu qui m'a été envoyé par un des dirigeants de Radio Pinode. Et que je n'ai pas ouvert. C'est l'occasion de la faire. Ça fait partie de ces paquets qui sont mieux. Ouais, c'est fermé. Il y a une cassette dedans. C'est le format, mais c'est pas la texture. Voilà, donc merci à Le Monde Arabe. C'est lui avec un institut sur le monde. Je demande s'il va pas finir comme une sorte de Jacques Lang alsacien. Mais il aime bien Jacques Lang. Il y a une nouvelle directrice à l'Institut de la Rue. Je ne sais plus Jacques Lang. Il y a quelques semaines. Peut-être qu'il est toujours dans les murs. Non, je t'ai dit la dernière fois, c'était le 27 décembre. La dernière fois, c'était le 23 septembre. Mais genre en 2018. Cette fois. Ah oui. Déjà plus date au festival dans les gens. Ah bon. Ah non, je pense que. Ah oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce concert. Les escales. Ah, c'est trop. Ouais, on peut pas parler des escales actuellement. À cause de Gérard Chapeau. Non, mais elles n'ont pas lieu, donc on peut en parler. Ouais, c'était un focus sur l'année. On avait des questions à voir avec le Gérard Chapeau. Miami, d'ailleurs, ceux qui habitent à Miami. Châtellerault. Okay. Peut-être. Châtellerault, Minnesota. Donc c'est les entretiens de Grenoble pour en écoutant la cassette de Sabac Murer avec comme invité Romain qui va parler. Qui va parler du jouer du hood. Non, j'ai pas ramené mon hood, mais j'ai une cassette. J'ai failli apporter Philippe Simon, qui ne se présente plus. J'ai failli apporter mon ukulélé de poche en disant je pourrais peut-être t'accompagner, toi à Wood, et puis je fais un petit accord par-dessus. Non, on va faire ça après, Oui, je l'ai pas pris. Ah, mais j'en ai un. Attends, un ukulélé. Merde. Parce que, là j'ai appris à jouer. J'ai appris que c'est moi comme Zabato. C'est prochain, ça va. Non, le mec, vous savez, qui a fait cette reprise de Blood and Rainbow, il a opéré le moyen, apparemment, c'était avec 330 kilos. Quand je dis 330 kilos, il faisait vraiment 330 kilos. Non, en fait, vous savez, c'était un mêlé entre Blood and Rainbow et vous savez quoi, le club. Thank you. Bah, attends, on n'a même pas parlé dessus de Nicole. Ah, le lien, ça y est, on va parler. Ah, c'est la scène Michelet. C'est à voir avec, à Nantes. L'écrivain. Ouais, l'auteur. L'auteur, l'essayiste. Pamphlétiste. Enfin un bus qui passe quoi. C'est pas un bus comme ça qui va être. Si ah bah, pas le gros petit, mais le petit est plus petit, mais le gros est plus grand. Parce qu'il a un coffre avec des vélos dans le cul. C'est beaucoup plus. Ça ajoute un pic qui fait arrière, mais non. Mais ça ajoute 1 mètre. Ouais, exactement. Longueur maximale autorisée. Ah ouais, bah oui, la scène Michelet, c'est plus pété les livebox. C'était les réseaux. Non, la scène Michelet, c'est la scène métal de Nantes. Un peu comme la boule à facettes. Ça existe toujours, non? Ouais, ça existe toujours. C'est pas du tout métal, la boule à facettes. Ah, je sais. C'est une scène ou c'est une salle de concert? Scène, non, c'est une salle. Hein. Ah oui, parce que quand on dit scène, c'est plutôt un, tu vois, c'est un ensemble hétérogène de gens qui s'intéressent aux mêmes choses. Non, c'est pas. Ah non, la scène. Tu vois, la scène, ouais, la scène, la scène, la vraie scène. Non, mais c'est le nom du bar, la salle de concert. Ça désigne la vraie, la scène physique où les gens se produisent. Michelet comme. Bah, c'est le nom du quartier. Ah oui. Et t'aimes vraiment aller là-bas? En fait, c'est la. Hein? T'aimes vraiment bien aller là-bas? Ouais, c'est cool des fois. Quoi? Il y a eu Weed Eater là-bas. Ouais, il y a eu. Casino Temple. Ouais, mais je sais plus si j'y étais. Ouais. John Bon Jovi. Non, mais c'est scène. Il y a aussi bien des groupes un peu confirmés que des groupes basiques. Non, trop. Donc, sachant que, mais t'as quand même le Hellfest qui est juste à côté. Ça fait de Nantes un peu une ville métal, tu vois. Mmh. Donc, 2 minutes. Ça, je comprends. Une petite scène. Petite salle. Je pense que les conditions sont relativement professionnelles. La bière est pas chère. Et tout. Ouais. Bon, la bière, c'est normal, quoi. Normal, c'est un vrai bar, quoi. Ça reste un truc commercial, quoi. Mais. Ouais, c'est une condition plutôt cool. Tu vois, t'es vraiment très près des groupes, la scène est vraiment basse. Mm-hmm. Après, tu es vite très chaud. Ouais, c'est pas mal. Ça doit faire 150 places en max. Bon. Ok. Enfin, voilà, non, c'est pas un mauvais endroit, j'aime bien y aller. Hop, ouais. Oui, c'est bon, effectivement. Mm. Bon, bah, il faut parler des lieux dans lesquels on peut plus aller. C'est un vrai vin, c'est. Ouais, c'est les abeilles, les trois. Ah non, c'est pas bon. C'est pour ça que ça marche pas. En fait, il y a un grand tour, ça c'est des vins. Il y a Free Wi-Fi. Oui, je t'en ai parlé un peu. Ouais. Le contenu, ça vous intéresse pas super bien. Ouais, mais tu peux me marier plus. La cassette. Ah. Bad Boy. C'est bien. Là, dans 2 minutes. Ah oui, alors j'ai essayé de t'envoyer une photo du truc. Mais cassé, c'est assez dur à déchiffrer. Quand il est lié en cantonais, là. Non, non, de l'interview, là. Comme ça, tu peux envoyer ça. Mais. Ouais, alors tu. Donc c'est l'ancien batteur Nettles. Qui en fait, c'est lui qui écrivait beaucoup des textes. Ouais. Et il faisait les chœurs, c'est en fait c'est son frère. Oui, oui, c'est un groupe de. Guitariste qui était devant, qui chantait la voix principale, et lui il faisait les chœurs derrière. À la batterie. Mais il a sorti ce 45 là, en fait, 2 titres quoi. Apparemment enregistré en 2015, le truc sorti en 2018, genre à 300 exemplaires, et le mec qui a sorti ça, il y en a encore des packs. Ah ouais, ça a l'air bon. Donc je dirais, il a sorti le truc, de toute façon, rien à foutre. Alors que, plus les deux morceaux sont super, quoi. Bon, et voir. Avec des textes en français, ce qui change de, des Tux, en général, c'était en. Quasiment tout le temps, c'était en anglais. Ouais, ouais c'est en service. T'as autre chose à mettre comme cassette? Oui, la cassette d'Orme. Allez. Ah. Il est arrivé. Une cassette de Hood. Alors, une cassette de du Hood, ouais. De Saz. Hood, ouais, c'est ça. Neighborhood. Hood, Saz et Percu. Hood, le groupe? Non, ouais. Hood, Kalsum. C'est avec Thomas Boukbassem. C'est sa box qui marche pas, ou c'est. Ouais, sa box. On a joué avec Thomas et Armand. Ouais, je sais, mais. On les a mis sur sa box, ils jouent tellement. C'est pas les coups cachés. Vous savez, vous pouvez faire de cette tune. Ouais, c'est bon. Bientôt, on change. Sortir de l'estuaire, je sais pas, passer au niveau supérieur, quoi, ouais. C'est bien sympa de jouer dans le poulet comme ça pour les enfants, mais c'est pas avec ça que je vais. Ouais, alors qu'il y a des gens quand même plus sérieux qui jouent du poulet, ouais, de la SAS. Donc c'est bien toi, toi tu joues du poulet depuis un mois. Je joue du depuis un mois. Ça t'a pas empêché d'enregistrer une cassette, c'est bien toi qui joues là sur cette cassette. Ouais. Et puis ça joue bien, ça m'a bien tout été. Ben, c'est un esprit. Alors parle-nous un peu de cette cassette. C'était quoi ta question, Nicolas? Mais en fait, Nicolas, je vais te demander, t'es plutôt mer ou montagne? Ah, je suis plutôt montagne. Ok, c'est ce que t'as à dire. Bah, ok, parce que j'ai une seule autre question. C'est ok, mieux. Qu'est-ce que tu penses apporter au jazz? C'est la question existentielle. Rien. C'est pas une question facile. Non, alors. Peut-être fait... Romaric a quelque chose de plus à apporter. Bah, moi je suis pianiste de jazz. Ouais, pour l'instant ça m'a rien apporté à moi de l'être. Mais ça va venir, patient. Une question plus marrante, ça veut dire qu'est-ce que tu espères souffrir avec jazz? Ça, on arrête à quelque chose de jazz. Qu'est-ce que tu veux? Des cassettes. Voilà. C'est pas une bonne réponse que tu vas prendre au jazz. On va bien que de l'émission. C'est un peu la question. Moi j'aime le bras, c'est que ça fait. Qu'est-ce que. C'est pas celui pour toi. Je sais que Nate. Mais regardez la basse. Tu gardes la basse. C'est la question, c'est son rythme seulement. La question c'est pas savoir ce que les États-Unis peuvent pour toi, mais ce que tu toi t'enlèves tout. Non, ce que tu peux donner aux États-Unis. Tu peux. Au moins, je pense. Quel est le meilleur duo dans les jazz? C'est forcément un duo piano-batterie. Je ne donnerai pas de nom. Et c'est pas. Si tu as raison, Max Brunson. Complètement raté, le Max Brunson. Braxton. Il fait pas de tout. En plus, il fait assez peu de piano. Quel duo là, vas-y. Piano batterie. Il y a un morceau qui est vraiment incroyable, c'est Cecil Taylor, Tony Williams. Sur un disque de Tony Williams qui n'a rien de free. Et le dernier morceau de la phase B, il y a Cecil Taylor qui surgit. Ah oui, on se demande d'où il sort. Je crois que tu m'as déjà montré ce disque. Voilà. Ouais. Toi, Philippe, tu peux. Non, moi, j'ai le truc que j'ai vu en live sympa, ouais, Flaherty, Corsano, c'était sympa. John Flaherty, Chris Corsano, sax, batterie. Sax batterie, ouais. Ok. Ouais. Corsano, c'est un peu chiant. Ouais, mais John Flaherty. Vrai duo, le disque Coltrane et son dernier batteur. Rachid Ali et Coltrane. Avec le morceau Venus, Mars. Ouais, le double album. C'est vrai. Pourtant, je dirais le sax de jazz, mais. Je reste tout Rachid Ali. Exactement. Très bien. Ouais, bah on a bien avancé. Moi, alors, je ne sais plus si guitare piano. Merci Romain. Ça m'échappait. Merci. Ah ouais, alors. Alors, on entendrait mieux sur le message où il y a le fond sonore. C'est pas un fond sonore. Allez, Romain, parle-nous de ta cassette. Parle-nous de Bill Frisell. Alors, nous, on adore la musique orientale. C'est un groupe qui s'appelle Nash et Dertash. Et la cassette d'avant, c'était du gros noise, guitare, batterie. Mais on n'assumait pas nos influences, c'est pour ça. Là, on a été à fond, on a sorti notre côté World Music, sur les festivals. Vous avez une percussionniste en plus, donc vous n'aviez pas avant. C'est exactement, il y a Armel, Billy Steve, Ocean Drum. On a joué il y a une semaine ou deux à Méan chez Romaric Sebac. On a fait une résidence de deux jours. Et on a Romaric Sebac à Méan. Ah ouais, c'est sérieux. C'est un concert qui est un succès public. Étonnant, belle communication. Ouais. Des vieux, des anciens. Aucune cassette vendue, mais. Cassette vendue. Prochaine étape, c'est le VIP. Non, que des blancs dans le public. Bah ouais, j'attends que ça réouvre. Bah ouais. Gérald, hein, encore. Hein. Gérald Darmanin. Ouais. L'autre Gérald. Gérald Donald. D'ailleurs, le gars qui t'avait fait jouer à la flèche, c'est Gérald Laviec, le mec du bar. On salue, ouais, le bar Azrèche. Bah, je connais pas son bar, mais je me souviens. Ouais, le bar Azrèche. Ça doit être ça. Ah ouais, Gérald. Gérald Larcher. C'est qui, c'est Gérald, comment c'est Gérald Chabot. Ah bah non. Ouais, la flèche, Nicolas. Ton actualité. Tu fais la musique, qu'est-ce que tu fais? J'ai sorti. Je te connais pas. J'ai sorti une cassette depuis un petit moment. Sobac Murer, qui à la base devait être un disque. Ah oui, j'ai pas lu le texte que je devais lire. T'as ouvert ou pas ton enveloppe? Non. Ah ouais, il y a un insert, ouais. Ben non, parce qu'il a perdu les inserts. Ouais. Alors, la chronique dans le Voyeur, je la lis. Perdu les anciens. En 2009, alors que j'habitais à Columbus, Ohio, Romaric Sebac, qui résidait au Lila, m'envoya au Pré Saint-Gervais, en fait. Au Lila, comme vous. Non, au Pré Saint-Gervais, en fait. Thibaut Gondard, rectifié, m'envoya une cassette audio. Sur cette cassette, sur laquelle avait été préalablement enregistrée une émission de jazz radiophonique, entre parenthèses, probablement de France Musique, tu confirmeras, Romaric. Possibly, ouais. Romaric s'était enregistré en train d'écouter la radio, de jouer de son petit piano favori, un genre de glockenspiel, d'égrener ses courses, de chanter, de lire les dialogues d'une BD, Les saucisses de l'exploit de Charlie Schlingo. Schlingo. On dirait Ami. En 2010, Romaric vint à Columbus faire une performance au magasin de disques Youth Kids. Il m'avait expliqué sa conception cumulative de la vie sous forme de strat ou de tas. Je compris que ces performances consistaient à former des tas. En 2011, à mon retour en France, nous créâmes sous son impulsion un objet théorique, la pompe à vide, dont le but était la formation de tas. Tu confirmes? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais c'est palimpseste. Trop bien. Non, c'est pas ça, palimpseste. C'est un tas. C'est quoi un palimpseste? Sur un bordel, par surimposition, tu vois. Ta, c'est plus court. Alors, la pompe à vide, ouais, je fis quelques conférences, notamment une à la Biennale, donc du Pré Saint-Gervais et pas des Lilas. En 2012, le jour où l'on a pris l'élection de François Hollande. Docteur déjà, pas un docteur. Je décide alors de sortir un disque qui serait une production de la pompe à vide, une accumulation de pistes de strates sonores de laquelle surnagerait la piste de Sobach envoyée quelques années plus tôt. Les morceaux sont prêts ainsi que la pochette, mais l'album ne sort pas, jugé trop coûteux par rapport à son intérêt musical. Par qui ? Par moi. Ah d'accord. Merci. Le producteur. Le producteur. Les voici donc en cassette, toujours pour des raisons esthétiques. Financières. Bon, excuse-moi, je t'interromps. Non, mais merci au moins quelqu'un qui comprend le texte. Ouais, merci beaucoup. Bon, Philippe, t'as combien de cassettes chez toi ? Pas tant que ça. Combien ? Plus de 50 ? Ouais, quand même. Ouais. Ah, quand même. J'écoute quasiment jamais de cassettes, à vrai dire. C'est, c'est pas que c'est compliqué, mais j'ai pas de vrai lecteur de cassettes. Dédié. Je t'en avais filé un, je crois. Hein. Tu bah oui, mais filé à la fin. En fait, j'ai le même à la maison. J'en avais deux. C'est lecteur de cassettes un peu cheapos, comme ouais, ça, c'est là, très bien. Que je branche en mini jack, tu vois. Ouais. Mais à part que je le fais jamais, quoi. À part pour écouter ma cassette de renflement. Oui, projet Warhol, hein, c'est un peu mon disque, c'est un peu ma première, première sortie. Ouais. C'est la classe, première sortie de renflement, c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir à ma dernière sortie. C'est quoi ton label ? Le label sur lequel c'était sorti, là, c'était à l'Arcofrix Production. De vrai grand Strum. Ah, c'est vraiment sorti. D'ailleurs, je disais, ouais, mais c'est ce que je te dis, il m'a jamais refilé mes copies d'artistes, j'ai juste une cassette, quoi, c'est tout. Allez, ça, là, j'ai jamais réussi à me faire. C'est une C120 au moins. Non, j'ai pas eu, j'ai jamais eu à l'époque. C'est assez sympa parce qu'il y a un featuring dessus. Ah, oui, d'accord. Ça a été édité. Non. Ah ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu... Non, en fait, ça a été un featuring à un copain qui était là, qui ah, oui, avait joué avec moi, en fait. C'était qui ? C'était un mec de Bristol. Qui ? Ah, quand même. Qui nous hébergeait. Qui ? Le mec de Peripheral Records. Son nom ? Je me rappelle plus de son nom, je peux trop trouver ça. C'est enregistré à Bristol. C'est sur Discord. Ouais. Il n'y en a pas une ? Je suis même pas sûr. Pas très cassette, Arthur. Non. Et puis quand tu vois l'état de ce vinyle. Attention, là. Ouais. Son Insta, il est sympa. Hein. C'est à qui ? Arthur ? Ah oui, sa oui. Chaîne. Il prend peut-être pas beaucoup soin de ses disques, mais bon. Mais il aime bien, il me disait, il aime bien que c'est tout dégueulasse, tout niqué. Ah ouais, je comprends. La pochette à vider, ouais. Ça montre que ça a été. C'est pas un fétichiste, c'est un peu bah, un petit fétichiste quand même. Tu ah, vois, merde, un petit peu vraiment. Ouais. Alors, on entend bien la percussionniste là, non ? Bah, je crois que Thomas, je veux la percussion aussi. Moi, j'étais parti acheter des clopes. Ah, c'est la fin de la cassette. Right. Tu sais, ça se termine un peu brutalement quand même. On n'avait que deux jours. Pas comme ça, Sobach Mirage. Ah oui, c'est un National Panasonic quand même. Ah ouais, vous étiez un peu juste niveau budget studio. Ouais, la bande était assez chère. On n'a pas attendu 10 ans pour la sortir aux 20 ans. Ouais, c'est un peu. Bon, on va mettre la phase B. Tu peux me dire le nom de ton label en attendant ? Ikebukuro Dada. Il y a un Blogspot. Il y a un Blogspot, un Bandcamp, un Facebook. Tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut. Tu vas la vendre dans quel genre de boutique ? Dans quel contexte ? Oh là là. Pas que sur les réseaux, quand même. T'en as mis un Nantes, si, non ? Non. Bah, d'habitude, je voyage beaucoup, je fous tout un peu partout dans. Mais là, en Turquie, tu vois. D'habitude, je vais en Turquie tous les ans. Je suis dans les plaines, quoi. Là, on peut pas. Je vois ton château, y a pas un magasin de disques, non ? Je vois ton château. Trignac, Nantes, hein. Mais non, t'as aimé les médiathèques. Putain, ils vont adorer l'avoir. C'est pas Loïc, les médiathèques à finir. Mais tu en fais une facile. Ah ouais. Et il y a un bon prix en plus, hein. Genre 12 euros. Tu montes une cassette. Tu sais que dans la médiathèque de Bleu, il y avait des silences bébés. Ouais, silences bébés en plâtre. C'est pas une belle proposition, c'est pas une assez si, belle proposition. Si, mais là j'ai vraiment pas assez de thunes, et puis j'ai un vinyle que je dois faire depuis 2 ans, je garde un peu pour ça. D'accord. Mais non, j'ai toujours fait des cassettes. Pourquoi pas un CD, tu vois. Ouais. T'as pas les CD, c'est trop cher que les cassettes. C'est plus cher que les cassettes. Mieux si tu veux travailler ton CD. Dis pas que les CD, c'est vrai. J'adore les CD, mais j'ai un autre droit de CD. J'en ai un, je n'ai que des CD. J'achète des CD. Toi, t'as mis un CD avec toi. Mais moi, j'écoute presque plus de CD qu'autre chose. Quoi. Alors, dis pas que c'est fini. Mais non, mais c'est pour les gens en général. Ah, mais c'est pas fini. C'est les gens. Fini. Voilà. Ouais. Alors que les CD, c'est plein de bourre. Ah ouais. C'est le meilleur moment pour acheter des CD. Voire même des doubles CD. Voire même des mini CD. Ah ouais. Je sors bientôt Cyril Messon. 3 mini CD, 3 pouces, 8 cm. Le fils de Luc. Luc Messon. Ça, c'est dur quand même. Hein. Parce que autant les CD, tu peux les lire. Ben oui. Ah oui. Il faut insister, vraiment des lecteurs. C'est lui qui a insisté. Il veut faire le revival du CD. Ouais, cinéma pour ouais, mais il faut quoi pour lire? Il faut des lecteurs CD. Non. Des lecteurs CD avec un. Ça marche pas. Ah oui, oui. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas là-dedans. Non, personne a ça. Tout le monde a un truc qui sort. Mais dans les bagnoles, évidemment, tu peux pas le mettre ton mini CD. Non. Donc, c'est que les faire dans la story comme d'habitude en écoutant en fond la bagnole. Il n'y a pas les adaptateurs pour m'initier les... Des réducteurs de... Je sais pas quoi. Tu l'as acheté où ton t-shirt, Nicolas? Je l'ai acheté sur internet. Ouais, mais... C'est original, ça. À Grenoble. Ah. Non, toi, t'étais à Grenoble, mais est-ce que le site, les gens qui t'ont envoyé, ils étaient à Grenoble? Non, ils étaient à Brooklyn. À Brooklyn. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai acheté d'autres choses avec les disques. Ça pouvait être une boutique qui était à Grenoble et tu... Un click and collect et hop, tu vas choper... Non, je l'ai acheté sur la boutique ROI. Richard International Records. T'as acheté quoi, ouais? J'ai acheté deux vinyles de Bad Brains, un live, le premier là, et une cassette. Bad Brains, ont pas fait un featuring avec les mecs de Mozart? Hein? Qui s'appelait Brain... Ouais, je me trompe. Ce qui est, c'est que tout le monde déteste ce groupe parce que le chanteur il a eu des propos homophobes. Ok. Ils ont été. Ouais. C'est ça, c'est dommage pour le groupe. Ouais. Non, mais après, c'est quelqu'un qui m'a dit ça à Chicago. Chicago, ouais. La semaine dernière. Non, il y a, je sais pas quoi, 3-4 ans. À Chicago. Tu voyages? Je voyageais. C'est mode là parce qu'il est monté très haut, mais ouais, bah, mais en fait, son génie, s'il arrive à se renouveler en permanence, ah ouais, sans cesse, il invente des jeux. T'as vu là ou pas là ce dernier truc à Las Vegas? Ah ouais, alors c'est pas Alan Vega, Alas Vegan, non, c'est pas ça. Bah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est alors? Bah, c'est une espèce de pastiche d'Alan Vega qui est plutôt bien fait. Si, c'est sur son label récemment, là, il l'a posté. En plus minimal, parce que bon, c'est pas non plus Martin Rev aux instrus, quoi. Moi j'ai une question, ça veut dire quoi, décimation sociale? C'est-à-dire, tu prends une personne sur 10. Sur 10, forcément? Et tu la tues. C'est sur 10, forcément. Voilà. Bah, décimation, c'est une sur 10. Décimé, enfin si tu prends. C'est prendre une personne parmi X personnes. Non, une sur 10. Ouais. Et en fait, en France, ça fait à peu près 6 millions de personnes. Merci. Bah, après, je dis ça, c'est pas mon projet. Hein. Alors, je pensais que décimation. Oui, mais si c'est pas un sur 10, si c'est un sur 5. Attends, est-ce que je dis c'est un sur 10, ça vient d'où là? Si, parce que c'est décimation. Ah oui, sûrement. Tu dois avoir raison. Non, c'est pas comme ça. C'est comme quarantaine, c'est 40 jours. Oui, d'accord. Mais... Je pense que tu peux dire quarantaine de 10 jours. Décide. Oui, non, mais. Bien sûr. C'est une très... Enfin, bon, moi, je suis pas sûr que ça vient. C'est pas sûr que ça vient de 10. En fait, ça vient pas pour d'autres nombres que 1 sur 10. Tu peux décimer 1 sur 100. On en prend 1 sur 10. Genre on va tuer ou virer un sur 10 sur la... comme les arbres dans une forêt, tu vois ce qu'on dit. Je sais pas. Voilà, réponse des auditeurs, des experts. Moi je pensais qu'on pouvait utiliser décimation pour d'autres nombres que 10. Parce que ça veut dire que pour chaque nombre, t'as un nouveau mot. Si tu fais 1 sur 5, 1 sur 100, 1 sur 6, t'as un autre de décimation. Voilà, de décimation, centimation. Exactement. Décimation. Je sais pas si c'est termine cette activation. Pourquoi pas. Bon, ben, c'est merci. Quoi, ce truc 1 sur 10, là, t'en prends 1 sur 10. De toute façon, il a dû écrire un manifeste. Bah, sûrement, ouais. Comme d'habitude. Il y a des chances. On a 4 minutes de la fin de l'émission. Alors, faut tout résumer. Donc, faut tout résumer, ouais. Je vais faire un petit tour de table pour que chacun. Alors, les cassettes, c'est bon, mettez-en partout dans votre environnement où c'est possible. Les cassettes, c'est du bon plastique. Est-ce qu'il y a moins de plastique dans une cassette que dans un vinyle? Ah, ça, faut la demander à Poro Péro, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas que du plastique, quoi. Qu'est-ce qui pollue plus là? Vinyle, cassette, cassette. Ah ouais? Non, mais ah, CD, c'est bien dégueu aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est non, ouais. Pire que cassette. Je suis désolé si je peux revenir. Hein, mais... Vas-y. Google. Mais... En fait, la décimation, c'est bien ça. Non, mais je pensais qu'il y avait un autre mot. Je pense qu'il y avait raison. C'est bien le mot, en fait. C'est en histoire antique. Je lis. Hein. La décimation est un châtiment pratiqué dans l'armée romaine qui consistait à exécuter un soldat sur 10. Ok. Ce terme vient du latin décimare, lui-même dérivé de décem, 10. Voilà. Parfait. Voilà, la décimation, c'est ça, c'est 1 sur 10, t'en prends 1 sur 10. Donc, c'est même pas obligé de dire décimation sociale, tu dis juste décimation. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un contre-label qui s'appellerait décimation. Ou décimation musicale. Une note sur 10. 9 sur 10. Un temps sur 10. C'est pas mal. Ouais. Très bien. Romain, une petite conclusion sur cette émission. Et bah, écoute, même si écouter des cassettes dans vos voitures. Et, si on peut. Oui, mais on peut en fait. Il suffit d'avoir une voiture. Un lecteur cassette. Ou alors des voitures, des gens. Tu voles les voitures, tu les revends en Turquie, moi je les rachète, et je mets un autoradio dedans et je te le revends. Toi, tu as ajouté un autoradio dans ta voiture? Bah non. Non. Il y était déjà. Il n'y en a pas. J'ai un autoradio CD. À côté, CD. Je suis un imposteur. Philippe, dans ta voiture, t'as un autoradio CD ou cassette? Alors là, la voiture avec laquelle je suis venu. La Twingo verte. Ouais, je pense que c'est juste. Non, il n'y a rien USB, du tout. Quoi. Y a juste USB, mais. Même pas de radio. Ouais. Si, il y a la radio. Bah, j'ai écouté France Musique, là, j'ai dit en venant, là, Alex Dutil. Bah, en fait, la question. Qu'est-ce que t'as apporté au jazz, Nicolas? En fait, j'ai piqué sur France Musique tout à l'heure. Et leur réponse à eux, c'était quoi? C'était... À l'invité, ouais. Ah, je sais pas, j'essaie de faire qui le était... mieux que je peux. À qui était posée cette question? Non, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane du jazz, ça fait beaucoup de Z. Ah, mal, c'est pas Z, ouais. Non, c'était un petit saxophoniste français de balle. De merde. Qui explique. Enfin, ouais, on s'en fout. François Janot. Enfin, le. Si. Quoi? Ouais, en gros, c'était un mec qui expliquait que François Janot lui avait posé cette question. Ah, c'est Léon, bien, hein. Qu'est-ce que tu penses apporter au jazz? Enfin, ça. Dieu. Rien. Et le mec, il a répondu rien. Merci, là. C'est fini en fait. Regarde, elle est jaune fluo. Ouais. Ça continue sur mon flux là. Il y a un flux qui continue. Un flux qui continue. On peut continuer de parler. Est-ce qu'on peut fumer une clope? Bah oui. Tiens, on va mettre cette cassette. Non, bah bravo. Vas-y. Ouais, donc en fait là c'est Gérald Chabot. Il est très très beau le qui est le fils d'Arlette Chabot. La pochette, c'est lui à AUD. Ah, lui qui est d'Angers, donc c'était le premier bassiste de D'accord. Et maintenant il est programmateur au VIP, qui est la SMAC, et des escales. Le mec de Tugs est programmateur. Le premier bassiste. Ah ouais? Jusqu'à 85 ou 6 ans. Après, c'est le petit frère qui a pris le bassiste. C'est facile à la base, tout le monde. Ah ouais, non, mais apparemment, c'est exactement ça. C'est que le mec, il voulait se barrer, il avait autre chose à foutre de sa vie. Et du coup, il y avait le petit frère qui traînait, il fait aller. Tu me ressens. Et il lui a appris en un mois, il lui a coupé les morceaux. Et puis, ah, le fils de Van Halen avait fait pareil. Alors son nouveau disque du lich. Du fils. Le fils. T'écoutes. J'adore Van Halen. Non mais du fils de Van Halen. Ah là, non, je l'avais écouté, j'ai écouté. Et il joue quoi dessus, une guitare, tout le monde. C'est un peu le death world, mais c'est pas une c'est la musique pour un peu américain. C'est moins quand même. C'est louche. Là, c'est un peu plus tard. Mais il y a une voix. Il change, c'est une voix qui fait tout. Ah ouais, Airbus. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ferry à Saint-Nazaire. Pour aller où? Voilà en face. Oui. Airbus en garde, c'est quoi ça? C'était les usines Airbus. Non, il y en a qui vont en Allemagne et en France. Non. Bah, ouais. Ils ont passé par le canal de Panama. Et ils en profitent fort, tu vois. Et c'est une grosse balle, ça va. Ils vont passer par le temps. Ah bon, ils tous portent des pièces qui sont faites. Ça a marché pas été compris.